C'était très impressionnant parce que, pour moi, hein, d'abord parce que c'était assez amusant de voir la réception de la traduction d'un livre de ce genre. J'ai pas été déçu parce que le malentendu a été absolu, hein, je crois vraiment total. Je crois que d'une part, à la fois, bon, il y avait des gens qui de toute façon n'étaient pas là pour comprendre, hein, mais enfin ceux pour qui ça a été écrit. Notamment Jean Alouche, qui était un des destinataires de cette traduction. C'était très impressionnant parce que vraiment, il a très très bien compris qu'il y avait quelque chose, mais il n'en voulait pas. Je pense que ça, c'est quand même un truc très impressionnant à voir, c'est que là, on touchait du doigt, qu'il comprenait très très bien que c'était absolument pas des bêtises, que c'était profond, mais que c'était tellement autre, dans un espace totalement différent, que les moyens de faire les opérations de traduction, quelles que soient les choses que j'ai pu essayer de faire passer en français, ne servaient à rien. Enfin, ne servaient pas à rien. Servaient à marquer que il y a des points, bon, dont on peut, voilà, des points d'arrêt. Et finalement, c'est chez Jean-Marc Berthomé que j'ai trouvé, et Louis aussi, qu'il y a quelque chose qui a vraiment été entendu, hein, dans le livre. Et il y a un certain nombre de choses que je vais dire aujourd'hui qui finalement m'ont traversé l'esprit en regardant l'échange et les réponses de Louis à ce type de choses. Alors je vais faire trois développements ce soir sur les trois sections du livre, les trois parties du livre, en essayant de dire quelque chose qui permette de comprendre à la fois les raisons pour lesquelles j'ai traduit, et puis aussi ce que j'ai découvert en écoutant la façon dont Louis présentait ce livre. Et puis parce que, au fond, je vais commencer là, comme ça, à expliquer quel intérêt ça peut avoir pour nous de se livrer, comme ça, de prendre du temps pour traduire des objets qui sont aux marges de la psychanalyse, mais qui sont quand même inspirés par un travail tout à fait profond et sérieux et sur des dizaines d'années avec la psychose, et qui avait quand même aussi une... Enfin, je pense que vous avez été sensible à ça, hein, c'est quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle, et que c'était très amusant de voir tous ces psychanalystes parisiens qui ont l'habitude de ne faire qu'une bouchée des gens se retrouver devant quelqu'un qui ne se laissait pas faire du tout, et qui était vraiment, c'était très amusant d'ailleurs, qui répondait, oui, vous dites ça, mais non, enfin, sans ces effets d'intimidation qui sont assez particuliers à notre milieu, et qui répondait très dialectiquement, hein. Je veux dire, c'était vraiment, il répondait en proposant des choses qui ne sont pas dans le livre. Donc, ce que je voudrais mettre justement en évidence dans ce livre, son intérêt pour moi, c'est qu'il aborde la psychose, bon, ce qu'il appelle la schizophrénie paranoïde, il aborde la psychose d'une manière dialectique. C'est pas le mot qu'il emploierait, parce que, pour des raisons de formation, il a employé le terme d'herméneutique. Et il faisait remarquer, d'ailleurs, à Nanterre, hein, chez les philosophes, que le caractère très particulier, très spécial de son herméneutique, c'est que d'habitude, l'herméneutique, ça vise à résoudre les contradictions, à les résistances du texte, à les fluidifier, etc. Tandis que là, c'est une herméneutique très particulière, puisque c'est une herméneutique qui se donne pour but de comprendre la logique contradictoire d'un délire. C'est pas du tout l'herméneutique qui consiste à essayer toujours dans le cercle de la compréhension et de la réconciliation des apparentes contradictions, de restituer l'être même de ce qui est à comprendre. C'est justement une méthode herméneutique appliquée à quelque chose de contradictoire. Et du coup, c'est précisément parce qu'il appréhende, et dialectique est vraiment un mot qu'on emploie chez Lacan, en un sens comme ça, c'est-à-dire c'est le maximum de ce que nous pouvons faire quand nous sommes confrontés à des contradictions, des impossibilités, c'est de rentrer dans l'élément et de ces contradictions et de les traiter justement en tant que contradiction. Et Il m'a semblé qu'un des... c'est ça qui m'a donné l'impression d'un malentendu pénible par moments, mais en même temps, bon, très révélateur, c'est que par beaucoup d'aspects, je trouve que tout ce que je vous propose ici de faire avec ce que vous avez lu, évidemment, de Lacan, c'est de retrouver ça, c'est de retrouver cette dialectique. Et quand elle se trouve présentée chez un auteur complètement étranger, qui n'a pas lu Lacan, qui s'intéresse, hein, mais enfin, voilà, sans plus, quand on la retrouve au travail, les gens sentent bien que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit dans la psychose. Ils sentent bien qu'il a mis, il a mis le doigt sur des éléments d'une logique dialectique extrêmement profonde, mais comme ça n'est pas formulé dans les termes dans lesquels les gens, par leurs analyses même, très clairement, ont appris à penser ces contradictions, par leurs analyses et leurs contrôles, ça rate. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'au fond, la machine qu'il s'agit de relancer à chaque fois, en matière de psychanalyse, elle est là. C'est-à-dire, c'est d'accéder à ce niveau d'abstraction qui nous permettent de reconnaître les mêmes opérations impliquées dans le jugement clinique chez, justement, Louis Sass et quelques personnes qui ont un peu réfléchi sur ce que c'est que la psychose dans des termes très différents, freudiens, lacaniens, bioniens, etc. Cette abstraction, le manque de cette capacité d'abstraction qui nous permet de reconnaître, mais intuitivement, ça m'a semblé très frappant, les gens voyaient bien que quand même, il avait mis la main sur des choses extrêmement justes chez Schreber. Le corrélat de ce manque de puissance d'abstraction pour penser ça, en dehors des termes qu'on nous a appris à utiliser, eh ben, c'est le fait que la clinique est extrêmement abstraite et manque de concret complètement. C'est-à-dire que cette abstraction, elle est corrélative de la capacité à saisir des éléments, à voir les choses, à faire pivoter le regard, à changer de vertex, comme dit Bion, hein, sur le même objet, d'une manière beaucoup plus stimulante et qui rafraîchisse finalement notre perception des objets. C'est main dans la main que l'abstraction qui nous permet d'intégrer un autre point de vue sur la chose et la concrétude que ça révèle dans l'objet marche l'une avec l'autre. Alors la deuxième chose qui est très frappante, c'est qu'il est vraiment soucieux, il s'est lancé à la recherche dangereuse et difficile d'un formalisme, il y a une formalisation hein, dans cette logique du solipsisme et du quasi-solipsisme, hein, dans les paradoxes du délire, et d'une logique des paradoxes. Et moi, ce qui m'a fait... On a juste soulevé la question, à Nanterre avec un certain nombre de gens qui étaient des logiciens. C'est très frappant parce qu'il existe une notion en psychiatrie classique quand on parle de la paranoïa qui s'appelle la pensée paralogique. Un paralogisme. Là, dans la paranoïa, il y a des paralogismes. Alors, j'ai un malade là qu'on présentait à l'hôpital, mais qui était persécuté par la BNP, je crois, etc. Et donc, les gendarmes l'avaient ramassé au milieu de la Nationale 8 en pleine nuit, etc. Heureusement que c'était les gendarmes qui étaient arrivés et qui l'avaient vu au milieu, parce qu'elle marchait au milieu de la Nationale 8, parce que, évidemment, si elle avait marché sur le côté, ça aurait été trop facile pour les gens de la BNP de la faucher en disant qu'ils ne l'avaient pas vue. C'est ça un raisonnement paralogique. Donc elle marchait juste au milieu, hein, pour qu'on puisse pas dire qu'on l'avait pas vue si on essayait de la faucher. Et alors donc elle s'est retrouvée en un show, hein, bien sûr, on rigole plus avec ces choses-là. Et ce qui était très frappant, c'est que la catégorie de paralogisme tue tout de suite la dialectique de la psychose. Parce qu'au fond, vous dites, voilà, c'est quelqu'un, il est installé dans un mode de raisonnement déficitaire dont la construction dialectique est de toute façon placée sous le signe d'un défaut préalable. Qu'on va référer, par exemple, à la forclusion du nom du père, au lieu, ça fait quand même plus chic que les troubles des neuromédiateurs, enfin, c'est la même fonction, hein, théoriquement, hein, c'est la forclusion du nom du père, etc., c'est du moment que c'est la cause déficitaire primaire, si ça joue le même rôle, c'est la même chose. Il faut être un peu vérificationniste, voilà, des usages, c'est même condition de vérité, donc ça a le même sens. Et donc, ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'effort de penser ça comme des paradoxes. Et on parlait avec un des logiciens, justement, qui nous demandait pourquoi on parle de des paradoxes de la théorie des ensembles et pas des paralogismes. Il me dit, mais justement, c'est parce que ce logicien me disait que quand Russell, par exemple, détecte une contradiction dans la théorie frégéenne, dans la première doctrine frégéenne, il la détecte comme une fausseté du raisonnement, comme un paralogisme. Puisqu'il peut y avoir un ensemble, il ne peut pas y avoir un ensemble qui contient tous les ensembles. Mais ceci devient un paradoxe quand vous êtes capable de construire une sorte de forme rationnelle à l'intérieur duquel vous apprivoisez le paradoxe en interdisant certaines formules, etc. Bon. Ben, toujours est-il que c'est très important et ça va se retrouver sous une forme encore plus subtile chez Sass, quand on va parler justement des contradictions qui sont propres à la Grundsprache chez Schreber. Parce qu'on pourrait, je dis tout de suite pourquoi je pense à ça, c'est qu'une objection intéressante qui lui a été faite, c'est qu'il travaille beaucoup sur les paradoxes de la position subjective de Schreber, mais Schreber dit c'est la Grundsprache elle-même qui est contradictoire. Et ce que je dis et ce dans quoi je suis engagé, c'est pas mes contradictions, c'est pas des paradoxes que j'en sais, c'est les voix elles-mêmes qui disent une chose et puis son contraire, etc. Et donc c'est ça, c'est assez subtil à coder. Si vous mettez les contradictions, elles sont inertes, elles sont mortes, elles sont données avec l'hallucination, si vous voulez. Tandis que toute la tension du livre, c'est de dire non, on ne va pas les mettre du côté de la livrer avec l'hallucination tout entièrement constituée, on va penser leur genèse. Alors évidemment, l'inquiétude qui saisit immédiatement chacun d'entre nous, c'est mais c'est pas de la psychogénèse de la paranoïa, ça, si le sujet fabrique quelque chose comme son délire, hein, c'est voilà. Alors j'en viens à cette question de la psychogénèse pour une raison très simple, c'est qu'une des forces du livre, c'est aussi de montrer une certaine généricité de cette forme. Elle suscite, elle produit des paradoxes, les paradoxes s'enchaînent les uns dans les autres. Il montre que ce qui paraît être dans la deuxième partie du livre, c'est-à-dire qu'on pourrait lui opposer à sa conception de la psychose, est en réalité une des conséquences, selon une logique paradoxale, de la position du solipsisme, qui est en elle-même une position paradoxale. C'est le glissement entre la théorie du solipsisme et celle du quasi-solipsisme. Alors, cette question de la généricité du thème formel du solipsisme, sa capacité à produire un certain nombre de figures extrêmement importantes, permet de répondre ou de traiter deux difficultés. La première, c'est celle sur laquelle insistent très lourdement et Lacan et Sass, c'est qu'on ne peut pas en rester avec la théorie de la psychose à la simple idée de la perte de la réalité. Parce que ce n'est pas le problème. Dans la psychose, le problème n'est pas de la perte de la réalité, mais de ce qui vient à la remplacer. La perte de la réalité, ce n'est pas tellement le problème. La perte de la réalité, c'est de comprendre que même quand il y a une expérience de vide, par exemple, pourquoi cette expérience de vide, au degré presque zéro, dans la schizophrénie ou dans toute psychose, dans certaines mélancolies très graves, c'est extrêmement pas, on a l'impression qu'il n'y a que ça, vient remplacer quelque chose, vient occuper une déchirure. Et la capacité de cette psychose, du délire à remplacer la réalité, c'est ça qu'on doit expliquer. Et donc, vous avez chez Lacan toute une pensée autour de ça, autour de la surabondance de signifiants qui viennent comme ça, de manière déliée, organisant un délire, une métaphore délirante, viennent ici jouer un rôle, plus tard la doctrine de la suppléance, du symptôme, etc. Et plus fort encore, il y a quelque chose de commun encore à ça, et Lacan qui est très... C'est l'idée que dans le phénomène élémentaire, c'est comme, dit Lacan, un motif dans le tapis. C'est-à-dire qu'il contient en germe, comme un cristal, la structure entière du délire. Vous savez que, pour les cristallographes, il y a un très joli texte de Simondon, que j'ai lu il y a bien longtemps, sur la façon dont se forme un cristal. Un cristal se forme par une sorte de différence de potentiel, je crois, entre la surface déjà formée du cristal et la masse inerte de la, de, par exemple du verre ou du carbone qu'il est en train de faire se cristalliser, en organisant les molécules dans un certain ordre, n'est-ce pas, avec une sorte de configuration géométrique stable qui répond à des équilibres physico-chimiques. Et en fait, le cristal, n'est-ce pas, le propre du cristal, c'est quand vous le brisez, il se brise en unités de plus en plus petites qui chacune ont la structure des choses. Ça, c'est une des premières images de Lacan. Une autre qui est assez juste aussi, c'est le fait que les nervures des feuilles, le dessin des nervures des feuilles a certaines correspondances géométriques particulières avec le dessin de l'arbre, du tronc, de la disposition générale. C'est-à-dire que quand il y a un arbre qui a une certaine modalité d'écartement de ses branches, etc., la même modalité d'écartement se retrouve dans les feuilles, etc. Et il y a des symétries extrêmement importantes. Je crois même que ça a été mathématisé parce qu'en fait, hein, il y a une théorie fractale, une théorie fractale qui pense ce type de développement, qui, comme si dans la nature il y avait comme ça. C'est souvent les agents qui ont des interprétations physicalisme de la géométrie physicaliste, de la géométrie fractale, qui font remarquer ces choses-là. Donc c'est une assumption théorique très très forte parce que. Je crois que j'ai dû voir deux ou trois fois dans ma vie un délirant dont on aurait pu effectivement dire que son phénomène élémentaire, on en retrouvait comme ça. Tout le monde dit, c'est comme le motif dans le tapis, mais quand elle démontrait cliniquement, Tintin. Hein, c'est vraiment très, très, très, très, très difficile. Et même avec, même avec une grande connaissance de nos patients qu'on a le plus longtemps, qui nous font le plus confiance, je doute que ce soit si facile que ça à mettre en œuvre. Toujours est-il que c'est un choix épistémologique vachement exigeant de dire ça, parce que précisément, c'est cohérent avec ce que Lacan appelle la synchronie. La synchronie, c'est justement que le petit se retrouve dans le grand, que dès le départ, la croissance de l'arbre, finalement, ne va pas suivre d'autres règles de développement que celles qui étaient présentes dans la nervure de la première feuille, etc. Enfin, il y a quelque chose de... On est obligé d'avoir cette idée du motif dans le tapis si vraiment on a une théorie synchronique. Et si on pense que c'est dans la synchronie que doit être compris un désir. Alors, chez Sas, il y a aussi cette dimension-là. Je crois que la dialectique qu'il déploie est une dialectique extrêmement synchronique. Il accepte tout à fait de prélever une tranche du délire, qui coïncide d'ailleurs à peu près, hein, le morceau de délire, c'est plutôt l'hospitalisation chez Weber, donc par exemple la deuxième phase du transsexualisme, le transsexualisme au miroir, hein, pas le transsexualisme avec la sensation d'avoir des organes génitaux ou des choses à l'intérieur du corps, qui est la première phase du délire, comme Lacan, il s'intéresse à la deuxième, et comme Lacan, alors que lui, il avait accès à autre chose, il ne s'intéressera pas à la troisième, il ne s'intéressera pas à la fin de la troisième hospitalisation de Schreber, et donc à la mort de Schreber, dans un accès mélancolique absolument gravissime, hein, dont on a pourtant les documents médicaux, hein, sur la dernière hospitalisation de Schreber. Enfin, il s'intéresse à la partie chez Weber, la levée de la tutelle par le juge et le moment où il retourne chez lui. Où Schreber retourne chez lui. J'ai fait ma fourche à languer, une fois de plus. La deuxième chose qui est, je crois, extrêmement fine, qui n'est pas tout à fait comme ça, enfin, fonctionne pas comme ça chez Lacan, c'est la conscience que on délire avec son temps, et que la manière dont le délire de Schreber est inclus dans l'époque, dans la famille et dans l'époque, dans le rapport au père et dans l'époque, et je crois quand même très impressionnant chez Sas. En particulier, et ça c'est un point que j'avais pas du tout compris et qu'il a fortement, sur lequel il a énormément insisté quand il était à Paris, c'est la dimension, l'utilisation qu'il fait du panoptique de Foucault, de Bentham Foucault, hein, dans Surveiller et punir, en disant au fond, c'est un délire qui a tous les traits, qui est organisé autour du panoptique. et que c'est pas tellement la question de savoir si son père était le sadique qu'il était, ce qui est une question très très complexe dont je parlerai tout à l'heure. C'est pas si évident que ça que le père Schreiber ait été le tyran épouvantable qu'on décrit. Mais ce qui est tout à fait clair, c'est que l'esprit général de la surveillance et de l'auto-surveillance, les modalités très particulières de l'individuation dans la société de cette période-là en Allemagne, hein, c'est-à-dire, grosso modo, c'est quelqu'un qui a fait sa jeunesse dans le Kulturkampf, hein, qui est un luthérien, un des vainqueurs, dans le culte, un ennemi des jésuites, etc. Enfin, il y a vraiment tout cet arrière-plan de l'ordre moral luthérien bismarckien, en même temps de la confiscation par Bismarck des attributions des églises, au moment où il fait du luthéranisme un ordre moral tout à fait total, hein, dans le Kulturkampf. En même temps, il confisque aux églises luthériennes l'essentiel de leurs attributions sociales. Hein. Donc vraiment, il y a une sorte de mouvement de modernisation extrêmement profond et puissant, avec une essence d'une problématique de l'individualisme dans le Reich allemand, qui est symétrique de la dépossession de toute cette bourgeoisie libérale post-romantique qui va devoir choisir entre accepter l'autocratie et le gouvernement autoritaire du Reich, ou finalement se retirer dans son cabinet et faire de la poésie. Hein. Et donc, avec toute cette problématique du réalisme, du romantisme, de la réelle politique, hein, comme on va dire, qui traverse tout l'espace littéraire du temps, le rapport au judaïsme, enfin l'antisémitisme, etc. Bon, donc c'est très bien vu à cet égard. Alors, ce que je trouve fort avec les thèses formelles, et c'est un peu pourquoi je trouve que je leur donne de loin la palme, c'est qu'elles s'opposent aux interprétations qui, comme De Vrez ou comme Prado de Oliveira, par exemple, sont des interprétations qui ne peuvent jamais s'arrêter parce que, au fond, comme des aspirateurs, elles attrapent tout ce qui se produit dans l'espace culturel et social d'un délire et finalement disent « ça a quand même du sens par rapport à telle chose, par rapport à tel texte de loi, par rapport à tel roman, par rapport à telle tragédie, par rapport à tel truc, etc. etc. » et que tout ce qui a l'air délirant serait justifié par telle lecture, telle interprétation du Freischütz de Weber, de Tannhäuser, de Wagner, etc. etc. Pourquoi ? Parce que, au fond, une interprétation formelle, c'est une interprétation qui nous permet de voir, d'une part, pourquoi on ne parle pas de tout quand on interprète un délire. Pourquoi on ne parle pas de tout ? Une interprétation qui veut parler de tout, alors soit c'est un délire, un autre délire, qui n'est pas du tout explicatif, qui est un autre délire, et c'est quand même, moi, l'impression vertigineuse que me donne le livre de Daniel Devrez, n'est-ce pas ? C'est qu'on a l'impression, on lit le truc, c'est une manière de donner raison à Schreiber qui devient déraisonnable, qui à un moment devient aussi déraisonnable. Dieu sait que j'aime pas trop le dégoût du sens que manifeste, du signifié que manifeste beaucoup de lacaniens, mais là, quand même, il me semble qu'à un moment, si tout ce que raconte Schreiber était bien pensé, c'est juste que ce crétin de Freud ou ce crétin de Lacan ou ce crétin de Niederland n'a pas été chercher l'obscur poème de Goethe ou la sous-citation de Maître Eckhart qui montre bien que, dans ce cas-là, alors la langue allemande, la culture allemande, tout ça est un immense délire. Et au fond, Schreiber est un type normal nageant dans l'immense délire de la culture allemande de l'époque. Voilà. Quand on a une exigence formelle, de construction formelle, eh bien, il y a des tas de choses qu'on n'explique pas. Et ça me paraît, curieusement, beaucoup plus convaincant quand un système formel de reconstruction de la genèse et de la dialectique interne d'un délire, quand ça laisse de côté des choses. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ça nous permet d'avoir une idée qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de la cassure entre le délire et la pensée normale. Comment est-ce qu'on peut... C'est toujours un problème. Quand vous êtes cultivé, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fou ? C'est pas du tout quelque chose qu'il faut considérer comme ça par-dessus la jambe. Quand vous, quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement sain, pourquoi il n'est pas psychotique ? Ça peut tout à fait être quelque chose, des fois. On en voit hein, dans certains milieux, alors pas psychanalytiques, mais universitaires, il y a vraiment des gens qui en savent un rayon. Et évidemment, on ne les met pas à vil et frère, hein, mais par exemple, dans les sciences, il y a des gens, c'est vertigineux. Biologistes ou des mathématiciens comme ça. Au point qu'on ne sait pas très bien s'ils ont une pensée ou si, en quelque sorte, la vélocité avec laquelle ils peuvent traverser tout l'espace signifiant dans lequel ils se déplacent n'est pas telle qu'au fond, ils n'ont pas besoin de penser. On ne sait pas si, par exemple, les mathématiques, quoi, ça qui tout d'un coup... Il y a quand même des gens, le génie mathématique, ça consiste quelquefois à aller chercher des lemmes à des endroits tellement éloignés de l'espace théorique dans lequel vous travaillez, qu'on ne sait même pas comment un esprit peut se déplacer pour aller chercher un rapprochement aussi loin, par exemple en théorie des probabilités, pour aller expliquer je ne sais quelle obscurité de la théorie des deux. C'est une sorte de coextensivité comme ça de certains esprits à la totalité d'un champ qui quelquefois vous laisse. C'est très frappant dans les sciences, par exemple. Bon, enfin, je faisais ce point pour dire ça, c'est que justement, quand on a une notion un peu formelle, ben, on voit ce que la personne, ce avec quoi elle travaille. Mais elle, on sent mieux la cassure à cet endroit-là dans le délire. Et puis, le deuxième élément, c'est que les gens qui justifient le délire par ses signifiés, comme De Vrez, ou dans une certaine mesure, mais en fait c'est ce qui fait Prado de Oliveira dans ses différents travaux là-dessus, et puis beaucoup d'autres dans son genre, n'entrent pas dans la logique du délire. C'est la logique du délire qui manque, et donc ils ne travaillent pas sur le problème du rapport de la raison et de la déraison. Or, c'est en s'installant sur le problème du rapport de la raison et de la déraison que vous pouvez voir si votre conception du rapport de la raison et de la déraison est suffisamment bonne en fonction de ce que vous réussissez vraiment à expliquer de l'architecture, du choix de tel ou tel poème ou du choix de tel ou tel, parce que ça a une fonction à l'intérieur de cette architecture. Et alors évidemment, parce que nous ne sommes pas délirants, plein de choses nous échappent. Et ce serait manifester une forme, n'est-ce pas, de fausse amitié avec le délirant, que de le retrouver. Ce serait en faire, par exemple, un témoin de la culture de son temps. Au point, justement, qu'on pourrait, comme ça, le effacer cette limite. Mais si vous êtes d'accord avec l'idée que le lieu où c'est vraiment fécond, c'est de chercher la raison de la déraison, hein, et qu'une fois que vous avez construit quelque chose, une petite cellule formelle à cet endroit-là pour caractériser cette limite, et que vous voyez jusqu'où vous pouvez aller ensuite, là, et ramasser des choses, et mettre les choses à leur place grâce à cette petite machine, je trouve qu'il y a un vrai gain. Et l'opération de ça, elle est d'autant plus amusante que justement, il se sert de Wittgenstein qui s'intéresse non pas aux raisons de la déraison, mais à la déraison de la raison, c'est-à-dire à la métaphysique. Et qui se sert justement d'un opérateur symétrique et inverse qu'il trouve chez Wittgenstein, la critique wittgensteinienne d'un certain nombre d'illusions métaphysiques autour de la question du solipsisme, dont, comme chacun sait, Personne n'a jamais été solipsiste, mais qui quand même est comme un esprit de l'individualisme contemporain pour produire cette critique anti-philosophique de la philosophie. Et de manière dialectique, il l'utilise comme ça. Vous voyez ? Donc là, je trouve que c'est assez intéressant parce que la cassure, l'altérité délirante, Et en même temps, le travail de cette altérité, hein, comment elle se produit et comment comment en tant que travail, elle reste une altérité absolument humaine, hein, du coup, intelligente, ayant toutes les qualités qu'on attend d'un être humain, surtout d'un être humain aussi remarquable que Schreber, et mieux respecté. Voilà. Alors, je vais faire quelques remarques sur la première partie, en essayant de vous indiquer les points de difficulté que ça a toujours rencontré quand il parle de ce bouquin ou de sa réflexion, et puis de ce qu'il rajoutait même à Paris en revenant sur tout ça. Il y a deux points dans la première partie qui ont toujours suscité un problème. C'est l'idée que le schizophrène ne met pas ses actes en conformité avec ses croyances. Alors là, il y a toujours, me dit ça, c'est un type qui dit « Ah, mais si, au contraire, il y a des passages à l'acte, les gens croient que ceci, ils s'arrachent un œil, ils tuent le médecin, etc., etc. » Et puis, la deuxième chose, c'est la logique extrêmement subtile du « voir comme », comme l'utilise de chez Wittgenstein, comme l'utilise Schreber. Je vais ajouter à cette logique du voir comme, je crois qu'il y a un fil conducteur qui manque dans le livre, que j'ajoute d'un point de vue comme ça critique et interprétatif, parce qu'il y en a eu d'autres, j'en ai déjà parlé dans ce séminaire et que c'est un objet que nous connaissons. C'est ce qu'on appelle la montée causative. La montée causative, c'est la succession qui ressemble un peu d'ailleurs à la montée causative dans la description des pulsions chez Freud. C'est qu'il y a trois degrés de la montée causative en grammaire. Il y a par exemple voir, faire voir et se faire voir, bon, qui sont des degrés d'intensification du faire en quelque sorte. Voir, faire voir, c'est-à-dire montrer. Se faire voir, c'est-à-dire se montrer. Or, il me semble que pour bien comprendre cette analyse que vous avez dans le livre, on peut parler tout à fait du voir comme, du faire voir comme, et du se faire voir comme une architecture progressive d'intensification et de subjectivation et d'une logique de généralisation syntaxique de l'étendue du délire. Le voir entre la perception et l'imagination, jusqu'à évidemment le se faire voir comme, qui aboutit à cette chose extrêmement étrange qui est le rapport de Schreber à sa féminisation. On me représente, je suis fait passer pour, c'est pour traduire de Dargestellt, qui est le represented de anglais, que j'ai dû employer les deux tournures parce que j'ai pas trouvé d'équivalent français. Hein, c'est on me représente comme, on me fait passer pour. Mais c'est pas on me fait passer pour au sens où je suis et c'est faux et c'est quelque chose. Non, c'est en même temps on me fait figurer sur la scène des choses sous cet aspect-là. C'est plutôt quelque chose de ce genre-là et je le subis passivement. Et le comble de cela, c'est en femme. Alors, pour le premier point, pour le non-passage à l'acte, qu'est-ce que c'est que l'enchaînement naturel de la raison et de l'action? C'est quelque chose qu'on appelle le syllogisme pratique. Étant donné telle et telle situation, j'ai faim, je trouve à manger, je mange ce que je mange, ce que je trouve à manger. Les raisons de l'action, c'est pas comme ça, arriveraient un petit peu comme on pourrait les construire comme un syllogisme. Quand on a faim, on mange. Voici à manger, donc je mange. Bon. Avec toujours ce problème très classique de la question du syllogisme pratique, c'est qu'une conclusion d'un syllogisme pratique, ce n'est pas exactement une déduction. C'est une action, justement, et ce n'est pas une déduction. Ce qui permet d'apercevoir la complexité du problème que soulève Sass, c'est que quand on essaie d'articuler nos raisons, nos croyances et ce que nous faisons, il y a deux voies. Il y a la voie de Kant et il y a la voie de William James. La voie de Kant, elle est très connue, c'est le pari. C'est dans la méthodologie de la critique de la raison pure. Kant fait remarquer que quand vous voulez savoir si quelqu'un croit vraiment quelque chose, eh bien vous lui demandez combien il est prêt à parier. Bon. Et puis il y a la solution sur cette chose, n'est-ce pas ? Alors là, s'il est absolument certain, la somme est énorme. Si c'est juste une chose qu'il croit, là, comme ça, mais enfin, il parierait pas un fifrelin dessus. Ben, là, et donc là, vous avez un moyen d'évaluer l'adhésion subjective de quelqu'un à sa propre croyance par la pierre de touche du pari, dit Kant dans la méthodologie de la critique de la raison pure. L'autre version pragmatiste, auquel se rattache très clairement ici Louis Sass, ben, c'est de dire que si tu crois, qu'est-ce que tu fais ? Si tu ne fais rien, c'est que tu n'y crois pas vraiment, voire c'est que tu n'y crois pas du tout. Et donc, il y a deux tests. Il y a le test par qu'est-ce que tu serais prêt à perdre, et il y a le test par qu'est-ce que tu serais prêt à faire, en fonction de tes raisons. C'est pas nécessairement incompatible, si vous voulez, mais ça, c'est ces deux entrées qui, je crois, sont quand même assez distinctes. Parce que ce que fait remarquer Sass, c'est que d'une part, quand on lui objecte la question du type qui s'arrache l'œil, il fait remarquer que le fait de s'arracher l'œil n'est pas à proprement parler la conséquence tirée de son délire. Le fait de s'arracher l'œil, ou c'est ce genre d'acte dans les grandes schizophrénies, est sur le même plan d'irréalité que l'ensemble des croyances irréelles, etc., qui se déploient, au sens où l'acte même n'est pas du tout considéré par celui qui pose ce type de passage à l'acte comme quelque chose qui s'est passé dans la réalité, qui lui met comme le prix à payer de ses croyances le résultat sous les yeux. On a même parfois le sentiment c'est très courant en clinique, des passages à l'acte médico-légal, n'est-ce pas, quand on nous amène des gens dans les services, là, comme ça, qui ont fait des choses épouvantables, ça, c'est complètement nimbé d'une aura d'irréalité extrêmement frappante. C'est même, je crois, pathognomonique. Dans mon bouquin, là, sur l'esprit malade, où je raconte l'observation de ce jeune schizophrène paranoïde là, qui venait de dégorger sa grand-mère, le premier truc glaçant, c'est qu'on parle pendant 15 minutes de ce qu'il va faire pour la suite de ses études, n'est-ce pas, avant de commencer à s'apercevoir qu'il y a deux jours, il a égorgé sa grand-mère. Et donc on a un peu ce sentiment, oui, que, oui, bien sûr, on peut ensuite reconstruire un espace de sens dans lequel on aurait l'impression que ça aurait un syllogisme pratique dont les prémices seraient délirantes. Mais pas du tout. Les prémices sont délirantes, la mineure est délirante, la conclusion, tout est sur le même plan d'irréalité. Et je trouve cette réponse de Sass fort juste. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas dire que le passage à l'acte, c'est la conclusion épistémique normale d'un sort de syllogisme pratique délirant. Ce qui a beaucoup troublé Sass, en revanche, c'est quand Jean-Marc Berthomé lui faisait remarquer que ce qu'il dit de la schizophrénie, y compris dans les grands passages à l'acte paranoïaque, les manicides, par exemple, il y a un très beau texte, je ne me rappelle plus de qui, Guillaume, je crois, sur les gens qui tuent, vous savez, les présidents de la République, les ministres, les vedettes de cinéma, qui tuent les grands de ce monde. Et même beaucoup de gens, comme les revendicateurs, comme ce type effrayant là, qui avait été tué un grand... qu'un fusil, s'est présenté au secrétariat d'un grand journal parisien avec son fusil, parce qu'il fallait qu'il remette de l'ordre, que bon, il fallait quand même éliminer ce journaliste épouvantable, et qu'il était venu, il était monté de province avec son fusil chargé, etc. Et bon, quand on parlait avec lui, tout était sur le même plan, en quelque sorte. Il ne concluait pas. Bien au contraire, la thèse de Lacan sur le cas aimé montre bien que l'acte est tellement peu la conséquence pratique du délire, qu'au moment où l'acte est posé, Aimé se retrouve sans délire. Le délire est soufflé par l'acte, comme si elle sortait de l'espace qu'elle avait construit et se retrouvait tout aussi perplexe devant son acte que devant les raisons qui l'avaient amené à poser son acte. Soufflé. Bah, une sorte de comme on allait crever une bulle. Et donc je trouve assez juste cette première remarque. Ce qui est encore plus, ça renforce l'argument de Louis selon lequel, au fond, si vous êtes vraiment solipsiste, pourquoi vous fatiguer à faire quoi que ce soit ? C'est-à-dire que si l'univers tel qu'il existe est suspendu à vos représentations, si ce qui est vraiment l'expérience de certitude que vous avez, que tout n'existe que parce que, qu'en fonction de ce que vous en pensez, hein, ce qui est la position solipsiste radicale, d'une sorte de cogito qui serait effectivement pour Daumont le seul cogito qui reste, le seul cogito qu'il n'y a jamais eu, que tous les autres sont des représentations qui n'existent qu'en tant que je me représente qu'elles existent, hein, ces êtres autour de moi, faire n'a aucun sens. Dans la logique même du faire, il y a transformé quelque chose d'autre. Bon. S'il n'y a pas d'autre, si tout est vraiment pensé, on voit bien que du coup, quelqu'un qui est absolument persuadé qu'on va l'empoisonner, bon, bah, une fois qu'il a fait son petit délire d'empoisonnement, comme dit Bleuler, bon, bah, il va à la cantine et hein, puis il bouffe avec les autres. C'est-à-dire qu'au fond, tout ça est absolument réel. Hein. Et en même temps, dans cette Doppeltbeurführung, comme dit Bleuler, dans cette comptabilité en partie double de la réalité schizophrénique, voilà, ouais, on veut m'empoisonner, ça c'est absolument certain. Mais enfin, c'est l'heure d'aller déjeuner. Et on voit ça, hein, c'est pas du tout un truc... Et je dirais à ce moment-là que le non-passage à l'acte fait que c'est plus exactement que l'acte lui-même, c'est simplement une modification des représentations de l'état des choses. Donc il est coextensif, il est sur le même plan d'irréalité que les représentations solipsistes. Et c'est peut-être aussi ce qui fait la dangerosité hein, du passage à l'acte. C'est qu'effectivement, il y a des gens, on peut se demander, pendant une... C'était là tout à l'heure, vous savez qu'il y a cette loi là sur les on parle plus, on va plus parler d'hospitalisation sous contrainte, mais de soins sans consentement. J'étais invité à parler là au rapporteur de ce projet de loi là au Parlement tout à l'heure, et c'est ça quoi le problème des hospitalisations d'office, c'est qu'il y a des gens, vous laissez sortir, ils reviennent, vous ne pouvez mais absolument pas savoir ce qu'ils ont fait pendant la sortie d'essai, mais absolument pas, ils reviennent pas contrits, la queue entre les jambes, j'ai égorgé ma logeuse, non pas du tout, on ne peut pas savoir, tout est sur le même plan, c'est un plan d'irréalité extrême, qui évidemment pour les gens qui sont témoins de ça est très très angoissant. En tout cas, voilà. Ça veut donc pas dire que c'est pas dangereux. C'est au contraire une caractérisation de la dangerosité intrinsèque de ce type de situation. Alors, le deuxième point qui est un peu difficile et sur lequel, là, je voudrais insister un peu davantage, c'est Schreber face au miroir. Notez que Schreber, Lacan un peu moins, que Sass, Lacan un peu moins, bon, ça choisit la deuxième phase, hein, c'est-à-dire, je suis venu avec le... Oh, flûte, j'ai oublié mon Schreber. Bon, j'ai noté la page sur mon carnet. Dans page 54, hein, je crois que ça doit être... je sais pas si j'ai noté la notation française ou... enfin bon, il y a une note, page 54, où Schreber raconte bien que dans la... début de son hospitalisation, cette transsexualisation, c'était pas qu'il était simplement féminisé, c'est qu'il avait des sensations organiques de transformations intérieures, de naissance d'organes génitaux bizarres, etc. Ce type d'état, il est bien connu dans la clinique du transsexualisme. Hein. Beaucoup des transsexuels du 19e siècle et jusqu'aux années 30 racontait tout à fait qu'ils étaient intimement persuadés, qu'ils sentaient, les femmes sentaient qu'il y avait un pénis dans leur ventre qui allait sortir, elles en sentaient le contour, les testicules, etc., que c'était juste quelque chose qui était là, imminent, en quelque sorte, mais dont elles avaient la sensation intérieure, et réciproquement, les hommes pouvaient sentir à l'intérieur d'eux-mêmes la présence d'un utérus, la présence d'ovaires, de façon extrêmement organisée. Là, il choisit la deuxième phase, qui est une phase où le délire s'est quand même à la fois prodigieusement étendu et commence, me semble-t-il, à avoir un rôle réparateur. C'est-à-dire quand il se regarde devant la glace, c'est quand, au fond, il est capable de dire « on me fait passer pour, je suis représenté comme femme ». Ce qui est beaucoup plus paranoïaque que les synesthésies totalement délirante, incrustée dans le corps de la première phase du délire de transsexualisation. Hein, c'est beaucoup plus... Il y a de l'autre, il y a un espace, il peut se faire voir comme une femme à d'autres. Hein, le texte est extrêmement... Ça m'a beaucoup frappé, parce que j'avais jamais vraiment fait attention à ça. Il dit, si on regardait attentivement ma poitrine, on verrait que ça prend la forme d'un mamelon. C'est quelque chose de cet ordre. C'est pas du tout « je sens que j'ai des seins qui poussent ». Ça, c'est antérieur. Là, on est dans une phase un peu différente. Et ça se met quand même un détail, mais ça, c'est que quand il se regarde, en fait, le montage est un montage à la Buñuel, hein, parce qu'il semble bien qu'il met un miroir sur son piano, il joue du piano en se regardant femme, assis sur son seau hygiénique, et c'est le seul moment où il peut déféquer. Vous voyez la scène, gratinée. Pour les besoins de la démonstration, on enlève le seau hygiénique, hein, chez Sas, etc. On ne retient que la partie, le miroir, bon, le piano peut-être, mais enfin un peu dans le décor, comme ça. Non, c'est quand même un type. Il est assis sur son seau hygiénique, il ne peut déféquer qu'en jouant du piano, au point d'en péter les cordes, je ne sais pas si vous voyez comment il joue du piano, en se regardant en femme dans un miroir. Ça n'a pas envie de manger. Hein. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Vous voyez, on construit une scène, on ne peut pas tout traiter à la fois. Mais quand j'ai regardé un peu comment Prado, Devresse, toutes sortes de les Américains essaient de traiter la totalité de la scène, si vous voulez vraiment expliquer que le type il peut exonérer, que sur son seau, en jouant du piano, vous êtes entraîné dans des considérations métapsychologiques délirantes, aussi délirantes que le délire de Schreber, et pas du tout explicative, n'est-ce pas ? Vous parlez de l'analité, du rapport entre l'anus, l'œil, etc. Alors bien sûr, Tannhauser, je ne sais pas quoi, les poèmes de Goethe, les sous-entendus, etc. Enfin, vraiment, vous voyez, du coup, pour essayer de faire tenir l'ensemble de la scène dans le cadre où tout y serait expliqué, ça devient aussi délirant. Je trouve que c'est vraiment une expérience, je dirais presque une expérience de pensée, de l'hétérogénéité absolue du délire. C'est-à-dire, comme dit Lacan, ne devient pas fou qui veut. Vous pouvez tripoter toutes vos attitudes ontologiques possibles à l'égard de l'être et de l'étant et de tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous mettre dans la position existentielle d'un schizophrène. C'est pas possible. Et précisément, je crois que c'est une vraie expérience de pensée que si vous le faites, vous produisez un double du délire qui n'en a pas la densité intrinsèque. Mais je dirais d'une certaine manière, c'est pour ça que c'est important de lire Devresse ou Prado, etc. Ah bon, on se dit non. Soit c'est totalement tiré par les cheveux, soit c'est plat. Hein, c'est à côté où c'est vraiment à la limite, même les concepts psychanalytiques sont complètement tordus pour pouvoir désespérément donner une petite couleur théorique à ce qui est une doublure qui se superpose au texte de Schreber. Et donc, y a un second degré à cette montée causative. Voir comme, montrer comme, faire voir comme. Il se montre comme une femme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un autre comme ça qui regarde et qui, s'il regardait bien, là, il verrait que ses dessins, c'est un conditionnel sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis, se voir comme, hein, qui est cette opération ultime d'appropriation subjective, dernier temps du bouclage de la montée causative, qui accomplit la transsexualisation. Mais en plus de cela, il y a un deuxième niveau. C'est l'intervention de cette posture d'immobilité, où ça s'est allé chercher, alors je ne sais pas où, j'ai oublié de lui demander, la Farnemungstarre, hein, le truth-taking stare, alors que j'ai traduit par, je ne me rappelle plus, c'est cette rigidité contemplative qui fait tout paraître vrai, avec des traits d'union, ça faisait super chic. C'est-à-dire, quand vous vous tenez absolument immobile devant un objet, sans du tout tourner autour, le voir, en vous laissant totalement remplir par sa pure apparence ponctuelle dans un moment déterminé. Là, le voir comme est redoublé d'une deuxième épaisseur qui le rend proprement délirant, qui permet de déceler dans le voir comme ce qui tient du phénomène élémentaire. C'est-à-dire que si vous regardez intensément, comme dans ces exercices de méditation orientaux, par exemple, un objet, quel qu'il soit, dans un parfait état d'immobilité et de concentration, au bout d'un certain temps, la montre va avoir un drôle d'air de montre. Le regard de la personne que vous regardez va avoir un drôle d'air. Tout le dos, c'est ce que j'appelle drôle d'air des choses, hein. Tout va avoir un je ne sais quoi, une particularité. Tout va être tout particulier. Et du coup, la chose semble être surnaturellement elle-même. C'est ça qui est. On reste toujours dans cette espèce de bouclage tautologique, n'est-ce pas ? Oui, c'est la montre. Mais. Elle est surnaturellement elle-même, cette montre. Elle est tout ce qui... elle irradie la montréité, si j'ose dire. Elle n'est pas simplement une montre. Elle, vous voyez, oui, ou le livrisme, la montréité. On commence à sentir que le langage lui-même commence, n'est-ce pas, à produire de véritables essences, comme dans la scolastique, dit-il à un moment, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est pas le livre, c'est la quidité du livre, n'est-ce pas ? Un peu comme dans certains textes phénoménologiques, un peu heideggeriens, n'est-ce pas ? Où les gens ne publient pas des livres, n'est-ce pas ? Ils portent un insight à l'ouvert, n'est-ce pas ? Parce que c'est Offenbach. Donc tout se transforme, le langage, n'est-ce pas, comme dans la traduction que Martineau a fait de Sein und Zeit, n'est-ce pas, les mots les plus ordinaires se mettent à s'ouvrir comme des espèces d'écrins d'où irradient des significations essentielles et où c'est la lumière des choses, n'est-ce pas, le visage des êtres qui vient comme ça. Et alors c'est vraiment étroitement lié à la posture contemplative. Vraiment l'attitude d'une théoria, les yeux écarquillés, immobiles sur les choses, dans laquelle on s'emplit, non pas du fait que c'est que la montre, c'est la montre, hein, comme disent les ploucs, n'est-ce pas, mais que la montre, n'est-ce pas, manifeste la montréité, hein, de son être dans les temps. Ouais, des choses de ce genre. On rit comme ça, mais vous voyez, c'est pour ça que Wittgenstein, c'est extrêmement dangereux, décapant. Hein, parce que là, on rit, on en fait. Hein, mais en réalité, c'est extrêmement banal. Hein, y a des gens qui ne supportent pas de voir une montre. Hein, ils ne peuvent voir que la montréité de la montre. Mais excusez-moi, ouais. Ça s'apparente à un phénomène de... C'est comme une saturation de la coprésence, en fait. Il y a plusieurs figures qu'en donne Wittgenstein dans le livre. Il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle ressemble à celle dont je vous avais parlé avec la perception mélancolique des êtres. C'est le fait que c'est pas simplement que vous êtes là, c'est que vous occupez exactement la place du trou que vous feriez si vous n'étiez pas là. Hein, cette figure qu'il y a dans la nouvelle de James, n'est-ce pas, où il parle des gens, n'est-ce pas, comme s'ils saturaient miraculeusement le lieu de leur propre absence. Oui, Hélène. Mais est-ce que c'est pas justement le regard du défunt, du cadavre, quoi ? C'est le regard du mort, oui, certainement. Mais je pense que c'est plus... Le regard du mort, c'est rester sur le même plan de l'imaginaire. Je pense que pour pouvoir percevoir que quelqu'un qui est là, ça irradie de sa présence et pourrait ne pas être là, et qui a un caractère miraculeux, est-ce que voilà, est-ce que Pedro soit Pedro là, hein, et que en le regardant là comme ça, il y a une sorte de Pedroïté qui se manifeste là. Hein, vous sentez dans la mélancolie, c'est extrêmement sensible dans la perception que Stransom a des autres autour de lui, que tout est mort. Qu'on vit dans un monde totalement désert, qui par un pur miracle est peuplé des êtres qui sont exactement ceux qui manqueraient s'ils n'étaient pas là. Et tout comme ça, donc du coup, est menacé à chaque instant de sombrer dans le néant, et les décès successifs des amis de Stransom, n'est-ce pas, ne font qu'avérer une sorte de réalité extraordinairement profonde, qui est le sens de l'être, hein, qui est son anéantissement. Et là, vous voyez, vous sentez que la mélancolie, c'est pas du tout les gens qui pleurent. La mélancolie, c'est une modalité perceptive des êtres vivants. C'est le fait que quand on commence à percevoir un petit peu trop que le fait qu'il y ait des vivants, hein, c'est à chaque fois constamment miraculeux par rapport au vide qu'il pourrait creuser s'il n'était pas là. En tout cas, cette ambiance de la particularité, se voir comme vraiment particulier, se regarder dans la glace et se voir comme vraiment particulier, c'est l'usage, comme dit Sass, qu'il emprunte à Wittgenstein, de la particularité comme intransitive. Par exemple, vous pouvez dire, j'ai un goût tout particulier pour, je sais pas moi, la tarte aux pommes. Parce que, en ce sens-là, dans l'usage transitif, le fait d'avoir un goût particulier pour la tarte aux pommes s'entend plutôt pour la tarte aux prunes ou pour tel autre plat. Et c'est un usage légitime du mot particulier. Il y a un deuxième usage tout à fait courant du mot particulier, c'est de dire ce type est tout est vraiment particulier. C'est pas qu'il est particulier par rapport à qui que ce soit d'autre, comme la tarte aux pommes par rapport à la tarte aux prunes. C'est une propriété intrinsèque de ce type que d'être particulier. C'est-à-dire, il est inclassable. C'est un trait. Il a un trait qui ne fait pas trait avec d'autres, avec des équivalents. Vous voyez ? Dans le français classique, il y a une formule très, très célèbre, c'est le cardinal de Ré, qui dit, dans un de ses textes fascinants, n'est-ce pas, il y a toujours eu du je ne sais quoi chez Monsieur de La Rochefoucauld. Il se haïssait mortellement. Je crois qu'il s'était croisé dans une porte. Aucun des deux n'avait voulu céder le passage. Ça s'était terminé par une rixe entre domestiques avec 18 morts. Mais aucun des deux n'allait céder, le cardinal de Ré n'allait pas céder le passage au duc de La Rochefoucauld. Il n'y avait pas de raison. Et donc, voilà. Et donc, il en est resté, je crois que ça a duré une haine de 40 ans, hein, un truc comme ça. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus les détails de l'histoire. Enfin, c'était grand guignolesque. Et la haine, vous voyez, s'exprime délicieusement en cette forme. Il y a toujours eu du je ne sais quoi chez M. de Langeau. Si vous réfléchissez, c'est exactement ce que Lacan appelle le trait du patou. Le patou, chez Lacan, ça consiste pas à dire que c'est un tout auquel il manque des trucs. Enfin, c'est pas du tout partitif, le patou, chez Lacan. Le patou, c'est l'idée qu'il y a bien quelque chose, un régime commun qui s'applique aux éléments que vous considérez, mais que ce régime commun ne forme pas un ensemble, ne permet pas de les classer, c'est pas un trait classant qui permet de les rattacher à un ensemble. Il n'y a pas de tout auquel ils se rattachent. Percevoir le monde sous l'angle du patou, c'est-à-dire comme tout est particulier, c'est déjà que c'est plus le monde. Chaque chose y paraît marquée de son identité à soi-même d'une façon tout à fait surnaturelle, sans aucunement être un objet du monde. Mais à la limite, déjà, un objet hors du monde, peut-être un objet immonde, déjà angoissant, ou un objet sublime, c'est pas, ou quelque chose qui, comme Joyce dira, a un caractère épiphanique, c'est pas, une sorte de surgissement sublime de quelque chose là qui fait que ça déchire la texture du monde et de la collection. Et puis un autre trait de cette particularité que Sasse ne mentionne pas, mais moi qui m'a paru éminemment proche de ce que dit vraiment Lacan, c'est que quand La Rochefoucauld se fait... Là, il y a toujours eu du je ne sais quoi chez Monsieur de La Rochefoucauld, il me semble que c'est un trait féminisant. C'est-à-dire que quand vous employez le particulier en un sens intransitif, hein, quand vous dites d'un homme qu'il est vraiment particulier, il y a quelque chose de ce qui est attrapé dans le fait là, qui en fait, je ne dirais pas une femme, mais qui le fait fonctionner dans une logique qui est spécifiquement celle du patou et qui est justement celle d'une femme. Au point que au sens où Lacan essaie d'attraper des choses de ce genre. Je dirais presque qu'au fond, l'expérience même de la particularité intransitive, c'est une expérience qui fait que lorsqu'on se regarde dans la glace et qu'on se trouve un air tout particulier en tant que tel, eh bien on est déjà féminisé. C'est pas du tout quelque chose d'exclusif. Il y a vraiment une lorsque Lacan se sert de cette particulière partie bizarre hein, qu'il dégage là de d'Aristote dans les Canteurs de la sexuation, dans Encore, il attrape ce trait-là. Et il a donc tout à fait raison de dire qu'au fond, ensuite, ce tout particulier-là qu'il voit dans l'image, il l'habille culturellement avec une image de femme, des colifichets, un miroir, etc. Il l'habille. Mais ce qui est habillé dans l'image, c'est le caractère intransitif de l'image. C'est le caractère comme ça féminisant de ce tout particulier. Il y a quelque chose, pour ça que j'ai traduit particularité inquiétante comme inquiétante étrangeté hein, pour uncanny. Alors c'est effectivement aussi le clin d'œil que fait ça, s'il dit uncanny en anglais, parce qu'il y a quelque chose dans la figure de la de l'étrangeté du Unheimlichkeit, quelque chose qui présentifie l'objet qu'il a hein, sur un mode extrêmement bizarre, qui fait que une certaine forme de cette présentification là donne un caractère féminin, au sens où Lacan parle du féminin, hein, c'est pas l'image culturelle de la femme, c'est ça je crois le saut que fait Lacan, c'est de dire nous devons sentir là, nous devons trouver là ce qu'il en est du féminin, comme inclassable, comme patou, comme la femme n'existe pas, hein, c'est dans ce type d'expérience. Le phénomène ainsi de l'immobilité qui fait tout paraître vrai, c'est le phénomène élémentaire. Je crois que la troisième partie du livre, c'est beaucoup plus que l'analyse de l'ambiance délirante à la Jaspers, c'est quelque chose qu'il faut rattacher à la logique du phénomène élémentaire. Logique très très particulière, puisque d'un côté, elle détotalise l'objet, la particularité intransitive déchire le tissu du monde. Il y a un truc bizarre, c'est que la montre, elle est tellement montre, voyez, mon médecin il m'a regardé et c'était tellement lui que c'était plus lui, oui déjà quelque chose, donc il y a une sorte de déchirure, et immédiatement après une retotalisation de l'objet qui détotalise le monde, qui devient une sorte de truc qui fonctionne absolument tout seul et qui commence déjà à prendre son caractère délirant. À la fois, ça détotalise et en même temps, ça retototalise et ça enclôt sur elle-même la chose. Au point que c'est vraiment, je crois, extrêmement intéressant les remarques qu'il fait sur Najda, sur le surréalisme, sur Giorgio De Chirico, tous ces gens, au sens où il dit, voilà, il y a une vérité, et sur Joyce, sur les épiphanies joyciennes, il y a une véritable intuition de l'artiste moderne de l'usage esthétique possible de ces expériences particulières, hein, qui à la fois détotalisent et font apparaître dans un monde détotalisé un objet qui lui-même redevient un monde et se retotalise et devient parfaitement rond et clos sur soi. Alors, dans la deuxième partie, parce qu'on va retrouver ce point, je voudrais souligner maintenant deux grandes difficultés. La première, c'est ce qu'il appelle le passage du solipsisme au quasi-solipsisme. Et la deuxième, c'est, à partir d'une objection qui lui a été faite à Nanterre, auquel il a répondu de façon tout à fait frappante, la manière dont il traite la langue de Schreber, Grundsprache. Alors, bon, il part de la position, non pas de la raison de la déraison, mais de la déraison de la raison. C'est celle de Wittgenstein, et il rappelle que Wittgenstein a parfaitement mis en évidence que le problème du solipsiste qui dit « mon monde et mon monde » ou « mon monde et mon monde » en essayant de... S'il dit quelque chose, en accentuant les choses comme ça, c'est pas « mon monde et mon monde », s'il dit quelque chose... Pour dire quelque chose, il faut déjà qu'il ne soit plus solipsiste, mais quasi-solipsiste. Il faut qu'il puisse rencontrer la vérité et l'objectivité de ce qu'il dit à l'intérieur même de ce monde qui est son monde. Non pas à l'extérieur de ses représentations, mais dans ses représentations. C'est un problème très subtil que, par exemple, Descartes traite avec la question de la représentation formelle, de la représentation objective, etc. Hein, bon, qui sont des nuances tout à fait fines de la métaphysique, puisque, mais qui sont liées au fait que chez Descartes, le solipsisme a un but bien particulier, c'est de fonder la science. Le solipsisme dont il s'agit là, il n'a absolument pas pour but, c'est pas un moment pour fonder la science, hein, mais comme chez Husserl aussi, hein, le cogito husserlien, comme le cogito cartésien, c'est des cogito pour fonder la science. À un moment, c'est pour que justement on arrive mieux et plus clairement à ce que c'est que l'objectivité des choses. Bon. Et là, le langage même, pour que le solipsiste dise quelque chose, il faut qu'il se rencontre, qu'il rencontre l'objectivité de ce qu'il dit dans le monde même qu'il produit au sein de son solipsisme. Et donc, il n'y a pas de solipsisme pur. Il n'y a jamais que du quasi-solipsisme. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut que ce monde soit mon monde, mais il faut qu'en disant une chose comme ça, je dis quelque chose qui a une valeur objective et qui est potentiellement offerte comme un point de résistance à ce que les autres pourraient en penser. Et c'est le langage, c'est le fait même de parler, de le dire, qui produit cette chose-là. Et donc, alors ça, j'ai aussi un grand problème avec ce terme-là pour la traduction. Le solipsisme se trouve aliéné, alienated. Le problème, c'est que la genèse anglaise du mot n'est pas exactement celle du français. C'est pas être entre les mains d'un autre, c'est pas l'autre de alius, hein, c'est l'autre de ailleurs, hein, qui fait la structure de la genèse de la dérivation latine du mot en anglais. Et donc, c'est assez amusant de voir que ça, justement, quand il dit « I'm alienated », c'est « je suis vu d'ailleurs », et non pas « je suis aliéné entre les mains d'un autre ». C'est-à-dire qu'il produit, justement, cette spatialité, l'anglais permet de produire un niveau de spatialité du lieu autre, avant que ce lieu autre soit occupé par un autre tout-puissant qui met la main sur moi et à qui je suis aliéné au sens de l'aliénation à mon semblable ou à mon maître, etc. Et effectivement, le solipsiste ne peut par définition qu'avoir affaire à ce lieu autre qui est la condition sous laquelle ce qu'il veut dire en tant que solipsiste, c'est quelque chose. et ça n'est pas qu'une représentation de quelque chose, qu'une représentation purement valable pour lui de quelque chose. Parce qu'au fond, c'est ça le problème du solipsiste. S'il veut dire quelque chose d'objectif, comment il fait ? Il risque de dire quelque chose qu'il se représente comme objectif, mais qui n'est pas objectif. Pour dire quelque chose d'objectif, il faut que justement l'objectivité dont qu'il revendique ne soit pas celle qu'il se représente solipsistiquement comme objectif. Et sinon, ce n'est qu'une représentation d'objectivité. Et donc, si on va jusqu'au bout de cette logique du quasi-solipsisme qui produit ces paradoxes, on arrive à la position symétrique et inverse, qui est que, au fond, le solipsiste s'annule totalement. Si vous allez jusqu'au bout, ben, finalement, il n'y a que le réel, il n'y a que le réel, et le sujet solipsiste disparaît, devient un point évanouissant, parce qu'il empêcherait, s'il continuait à exister, l'objectivité de ce qu'il se représente, d'avoir toute sa valeur d'objectivité. Et donc, l'objectivité délirante, celle qui est captée dans le raisonnement de Sass, qu'est-ce qui fait que il semble qu'il y a des objets dans le monde délirant ? Il n'y a d'objets dans le monde délirant que non pas parce que c'est les objets ordinaires plus une lumière complètement psychédélique qui tombe dessus, non, non. C'est des objets délirants parce que c'est les objets qui valent de ce point de vue autre. C'est de ce point de vue de l'autre qu'il y a des objets. Et pour qu'il y ait quelque chose d'objectif, vous devenez complètement obligé de les voir du point de vue de l'autre, de les voir d'ailleurs. C'est le raisonnement qu'il faisait en citant ce texte de Thomas Nagel là, sur le point de vue de nulle part. Il y a un point de vue de nulle part, oui, dans la psychose, ce point de vue de nulle part, il vient des bordures du monde. Il m'environne totalement, ce point de vue de l'autre. Donc voilà un peu le développement, le passage du solipsisme au quasi-solipsisme, et comment, d'une manière totalement différente qu'avec l'autre de la parole, chez Lacan, c'est pas l'autre de la parole, c'est pas l'autre de l'adresse, c'est vraiment pas du tout dans ce registre-là, vous voyez recroiser d'une manière particulièrement fine, je trouve, et précise, un certain nombre de thèmes tout à fait constituants de la psychose. Et je crois que là, il y a plein de gens, quand il est venu, ont senti que là, on a vraiment affaire à une théorie de la psychose, de l'aliénation, etc., qui se tient. On n'est pas du tout dans nos catégories de l'autre, de la parole, et du primat, de l'hallucination acoustico-verbale, etc. Avec un nouveau point de rencontre assez fascinant, c'est que pour Sass comme pour Lacan, ce qui caractérise du coup la schizophrénie, le trait pathognomonique de la schizophrénie, c'est l'ironie. C'est-à-dire que vous voyez tout du point de vue de nulle part. C'est-à-dire que tout reste en l'état, et tout est transformé. Tout est soumis à une sorte de corrosion extrêmement étrange, où le relief des choses... L'ironie, c'est ça, c'est donner son relief aux choses, mais un relief, une lueur qui les rend toutes incroyables. C'est stupéfiant, tout est invraisemblable. Parce que c'est vu, et ça ne prend son statut d'objet que de ce point de vue totalement aliéné au sens de l'ailleurs. Mais mes propres pensées, à l'intérieur de moi, mes propres pensées, sont comme le spectacle ironique des choses qui défilent dans mon esprit, dans le cours de ma pensée, comme ça, et dont, au fond, on ne sait pas très bien si c'est elle qui rit de moi, si elle se fout de ma gueule, ou si c'est moi qui me fous de la gueule de ce que je suis en train de penser, les deux positions glissent, avec un rapport extraordinairement étrange, où chaque mot que je prononce, le son a un drôle de son, le sens a un drôle de sens, tout se met comme ça à trembler et à vibrer, au point que je peux utiliser les mots que vous utilisez, comme ça, mais je peux parler avec les mots, vous retrouvez des phrases entières, des bouts entiers, mais tout ça, ça ne donne pas l'impression d'un jeu, tout à fait, je dirais, mais d'un semblant absolument extraordinaire dans lequel les choses se fragmentent et brillent d'une drôle de lumière. Alors, Il y a tout un développement ensuite sur lequel je ne vais pas insister, mais que vous avez remarqué si vous êtes avancé à ce point dans le livre, hein, c'est que il pense, à juste titre, je crois, qu'être schizophrène comme ça, c'est essentiellement possible dans la modernité. Bon. Moi, je dis toujours aux gens qui sont totalement sûrs qu'il y a des troubles génétiques en cause dans la schizophrénie, que je n'ai jamais vu, jamais, un schizophrène dans l'Antiquité. Je crois même qu'il n'y a pas de schizophrène, en fait, avant la guerre de 30 ans. Alors, c'est-à-dire, quand même, au milieu du XVIIe siècle. Et c'est essayer de trouver dans le corpus des écrivains de la Renaissance, du Moyen-Âge, des gens, des adolescents qui ont 17, 18 ans, qui tout d'un coup subissent, c'est quand même vachement visible, hein, les béphrénies, hein, subissent une chute massive de l'affectivité, des troubles du langage, qui évoluent vers un truc pseudo-démentiel. C'est quand même une partie importante de la population. Si c'était génétique, ça se verrait. En tout cas, si c'était une mutation ancienne, comme raconte la psychiatrie évolutionniste, on en aurait dans l'Antiquité. Ils voient des cas d'épilepsie super rares, les médecins anciens. Si vous lisez ça, ils s'arrêtaient de cas. Il n'y en a jamais. En revanche, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et puis évidemment au XXe siècle, ouais, on en voit. C'est ça que je pensais à la guerre de... C'est une parenthèse que je dis, mais j'aime bien, c'est une hypothèse invérifiable et farfelue, mais que j'aime bien répandre. C'est quand même étonnant que ce soit après la guerre de 30 ans, et justement en Allemagne, hein, qu'on commence à voir des ébéphrènes et des choses comme ça. Parce que la guerre de 30 ans, c'est comme la peste noire. Hein, je crois que il y a des endroits de l'Allemagne où la moitié des Allemands sont morts de faim. Hein, donc les mères dénutries ont donné... C'est vraiment le type de situation où n'importe quelle population est soumise à des stress génétiques totalement majeurs à cause de la famine, de la maladie, des horreurs subies par les populations civiles à l'échelle de paysans, de royaumes entiers, hein, pendant la guerre de 30 ans. Et effectivement, je ne trouverais pas absurde, moi, qu'on puisse, effectivement, s'il y a des bases génétiques, qu'elles soient vachement récentes et qu'elles soient liées au fait que les hommes sont capables de se faire eux-mêmes. Hein. La guerre, par exemple, hein, ce n'est pas nécessairement un truc si ancien que ça. Bon, je ferme cette parenthèse délirante et je reviens à mon propos qui ne l'est pas. C'est que ces schizophrènes-là... insèrent leur mode de raisonnement dans toute une tentative essentielle de la modernité d'objectiver la subjectivité. C'est pour ça qu'ils parlent de Foucault, c'est pour ça qu'ils parlent de la naissance des sciences humaines, c'est pour ça qu'ils parlent du travail, de la vie et du langage comme les trois grands transcendentaux des sciences humaines, n'est-ce pas, de l'économie, de la linguistique, de la biologie, et notamment de l'anthropologie physique, comme la naissance au XIXe siècle, pour tenter d'objectiver cette chose qui est nous. Et qui, d'ailleurs, au comble du processus que nous connaissons aujourd'hui, se matérialise dans les sciences cognitives, n'est-ce pas ? C'est que les gens regardent leur cerveau et se disent « c'est ça qui aime, c'est ça qui pense, c'est ça qui... » etc. C'est cette espèce de trognon qui se ramène, ce viscère un peu gluant, n'est-ce pas, qu'on a sous la calotte, là, hein ? Et les gens regardent ce truc, ça s'allume. Alors justement, on a même inventé des machines pour que ce soit un peu plus joli, que ça s'allume, etc. Ça fait des couvertures de magazines. Il y a des tas de gens qui sont complètement fascinés par les logiciels pour que ça s'allume à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Parce qu'au fond, on aimerait que ça ait, il me semble, hein, c'est nous, hein, dans le cerveau, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment le terme d'un processus qui serait parfaitement descriptible en termes foucauldiens. Le dernier terme de ça, c'est les neurosciences cognitives, n'est-ce pas ? Je suis mon cerveau, disent les gens intelligents. Et ça, c'est ce qu'on montre bien dans la fameuse photo de Flechsig, n'est-ce pas ? Le médecin de Schreber, avec derrière une énorme planche du cerveau, parce que Flechsig était un des grands neurobiologiste de son temps, n'est-ce pas ? Le matérialisme du cerveau, de l'objectivation naturaliste de la vie subjective, il est complètement présent dans cet univers. Bon, je laisse ce point parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qu'il a chez Wittgenstein, c'est-à-dire dans le Tractatus interprété comme l'achèvement métaphysique de ce mouvement, puisque à la fin, n'est-ce pas, le sujet est réduit chez Wittgenstein aux limites du monde. Hein, le sujet, c'est les limites du monde. Le livre lui-même s'auto-détruit, n'est-ce pas, c'est exactement le principe, puisque s'il existe, ce livre qui décrit les conditions du sens, par définition, il n'a pas de sens. Et que donc, c'est le point de convergence entre Schreber et Wittgenstein, comme la voix de Schreber dit « tout non-sens s'annule », rappelez cette phrase célèbre des mémoires, hein, « tout non-sens s'annule », disent les voix. Eh bien, chez Wittgenstein, c'est ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. C'est-à-dire que cette clôture-là, cette phrase, signifie qu'au sommet de l'esprit moderne, de l'objectivation, de la subjectivité, de l'assignation des conditions du sens, une fois que vous avez assigné les conditions du sens, ces conditions n'ont pas de sens. Elles sont les conditions pour le sens. Mais elles ne peuvent pas en elles-mêmes avoir du sens. Alors, Wittgenstein est plein d'images comme ça, n'est-ce pas ? C'est vous êtes monté à un point et vous enlevez l'échelle derrière vous. Vous êtes monté jusqu'à... Il y a un effet d'autodestruction, c'est que qui est absolument constitutif du Tractatus Logico-Philosophicus. À la fin, il doit s'auto-annuler pour précisément dire ce qu'il dit. Si on a établi les conditions du sens, alors ces conditions sont un non-sens. Il n'y a que le sens qui a du sens. Les conditions du sens, par définition, n'en ont pas. Donc si vous les énoncez, ils n'ont pas de sens. Et comme, alors, il le dit de plein de manières, n'est-ce pas ? Si vous m'avez compris, vous n'avez pas besoin de me comprendre. C'est très très frappant chez Wittgenstein, toute cette... si vous m'avez compris, vous n'avez pas besoin de me comprendre. Même ce que je vous ai dit n'a plus de sens. Si vous m'avez compris, c'est que vous avez compris que ce que j'ai dit est un non-sens. C'est ce que dit Wittgenstein dans Tractatus. Et dans les commentaires, c'est très explicite. Bon. Et donc, Wittgenstein et Schreber sont dans cet espace complètement étrange où la modernité se heurte à cette limite extraordinaire que d'un côté, elle hypermatérialise, n'est-ce pas ? On va objectiver totalement le sujet pensant dans son corps, dans son travail, dans sa vie, et puis dans sa langue, et puis de l'autre, métaphysiquement, on va le dématérialiser. Et le Tractatus a ce caractère génial d'être au fond, finalement, l'auto-destruction de l'idéalisme allemand, si j'ose dire. C'est vraiment le moment où la boucle se boucle, c'est que si tout ce qu'on a dit est vrai, ça n'a pas de sens. Ce vrai qui constitue le sens, qui donne le sens du sens, s'annule. Et donc je fais le rapprochement entre la dernière phrase du Tractatus et la fameuse voix que cite Lacan dans les écrits, n'est-ce pas ? Tout non-sens s'annule. Hein. Mais une phrase comme ça, est-ce qu'elle a un sens ? Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase-là ? Elle circonscrit, tout non-sens s'annule, elle circonscrit l'espace du sens, hein, tout non-sens est un non-sens, par une tautologie qui elle-même n'a aucun sens. Voyez, donc c'est sans sens que cette voix, c'est une voix de Wittgenstein qu'entend, si j'ose dire, Schreber. Hein, et qu'il y a là une très très profonde affinité. On voit bien qu'on est dans un espace culturel, un espace de construction paradoxale de la subjectivité qui est assez justement bien vu chez Sass et qui est commun aux deux. Alors il y a un passage particulièrement difficile, je ne sais pas si vous n'avez pas buté dessus. C'est le moment où ce paradoxe-là, il essaie de le rattacher à ce que c'est qu'une expérience positive, délirante, de se voir à l'extérieur de soi, et de ce qui se passe quand on est dans ces phénomènes-là. C'est page 107-108. Le passage suivant. Mais, soutient Wittgenstein, si le solipsiste est honnête et fidèle à ses principes, il ne tardera pas à reconnaître une contradiction dans ce qu'il infère. S'il considère de très près ses vécus, qui sont, selon les propres prétentions du solipsiste, tout ce qu'il a, tout ce qui est, il lui faut avouer qu'il ne se trouve pas lui-même là, dans ce qui est. Il est bien certain, veux-je dire, que pour être tout à fait franc, je suis contraint de dire que j'ai quelque chose que personne d'autre n'a. Mais qui ai-je ? dans la phrase « j'ai quelque chose que personne d'autre n'a », qui est « je ». Un solipsisme consistant avec lui-même, ne pourrait découvrir le propriétaire d'une expérience qu'au sein même de cette expérience. Mais alors, ce ne serait pas la sorte de propriétaire épistémique ni constituant dont le solipsiste veut affirmer radicalement l'existence. Un passage plutôt difficile de Wittgenstein éclaire ce dernier point. Pense à un tableau représentant un paysage imaginaire où se trouve une maison. Quelqu'un demanderait à qui appartient cette maison. La réponse pourrait éventuellement être au paysan qui est assis devant sur un banc. Mais si on donne une pareille réponse, il s'ensuit que la maison possédée par le paysan, etc., qui ne peut pas être la maison visuelle, puisque le fermier n'a pas en lui l'expérience visuelle en question, mais y est bien plutôt installé. Le fermier qui est dessiné. Le fermier ne posséderait pas en propre la maison visuelle, pas plus qu'il ne serait à son origine, car il est figuré à côté d'elle, à l'intérieur du même plan de réalité. Il en ressort que quand bien même quelqu'un s'apercevrait soi-même au sein de sa propre expérience, ce soi qu'il verrait, situé à l'intérieur du champ phénoménal, pourrait exister seulement à titre d'objet et non jouer le rôle d'une subjectivité toute-puissante constitutive, celle après laquelle court le solipsiste. Alors, c'est quelque chose de plus rusé, comme toujours, c'est des variations d'images géniales chez Wittgenstein, c'est quelque chose de plus rusé que de dire, comme je l'avais dit la dernière fois, dans mon champ visuel, je ne vois pas mon œil. Parce que ça, d'accord, on se représente assez bien ce que c'est. C'est d'ailleurs un des dessins du Tractatus, n'est-ce pas ? Dans le champ visuel, on ne voit pas l'œil. Bon. Mais là, dit, à qui appartient la maison qui est dessinée ? Au paysan qui est devant. Mais si ce paysan ne peut pas être le sujet constituant, c'est que le paysan qui est une image ne peut pas voir la maison devant laquelle il est assis, parce que c'est une image. Ce que veut dire Wittgenstein par là, c'est qu'on ne peut absolument pas, il y a une résistance absolue à se rencontrer soi-même dans son propre champ solipsiste, comme le sujet solipsiste. Et donc, comme on ne peut pas se rencontrer comme le sujet solipsiste et qu'il n'y a que le sujet solipsiste, on ne peut pas se rencontrer du tout. Sauf, et ce sera dans les expériences ultimes, au comble du développement du paradoxe, quand on se rencontre vraiment à l'extérieur de soi-même, et là, c'est une expérience apocalyptique d'anéantissement du monde. Quand tout d'un coup, le sujet, c'est comme ça qu'il interprète la catastrophe cosmique, hein, dit à la fin du livre, la catastrophe cosmique, c'est quand tout d'un coup, on se voit en dehors de soi-même, se voyant. Je ne sais pas si vous avez vu cet horrible film avec Nathalie Portman. Black Swan. Voilà. Bon, c'est vraiment... C'est Les Feux de la Rampe avec Carla Bruni dans le rôle de Woody Allen, de Charlie Chaplin, pardon, c'est vraiment une espèce de montage complètement délirant. Alors, on nous sert à tout le... Un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est que si vous voyez ce film, il n'y a proprement parlé aucun imaginaire. C'est un calcul extraordinairement précis des réflexes optocinétiques que vous impose l'image. C'est-à-dire que vous n'imaginez rien, vous prenez des claques. L'utilisation de l'image, elle est exactement faite comme, voyez, comme des trucs dont on sait que même un chat ou une grenouille va sursauter si on lui met des trucs lumineux comme ça en face. À aucun moment, vous n'avez un traitement de l'image qui se rapporte à quelque chose comme de l'imagination. C'est vraiment la substance de l'imaginaire qui est froissée comme ça. Alors, les images se décalent et ça produit des effets d'effroi. Et si vous faites bien attention, votre effroi est réflexe. C'est extrêmement curieux. C'est des gens, je suis absolument persuadé, ils ont une telle connaissance des lois de l'optique et des effets spéciaux que pour être sûr d'avoir le maximum d'impact, ils ne vous laissent rien imaginer. Ils déclenchent des réflexes, n'est-ce pas, avec des stimulations sonores et visuelles, des calculs de la longueur des plans, etc. pour que vous soyez... Et à la fin, ça devient super énervant. Quoi. C'est-à-dire que c'est totalement prévisible. Vous voyez que, de toute façon, elle se regarde... Il n'y a que des miroirs dans ces studios de danse. Donc, dès le début, on sait que les reflets vont se balader à gauche, à droite, faire des grimaces, changer, etc. Donc, on attend ça avec un ennui profond, etc. Et quand ça se déclenche, vous sursautez. Et c'est extrêmement désagréable parce que vous dites « Mais non, j'avais prévu. C'est nul. Je sais que ça va se passer comme ça, mais... Vous voyez ?» Et ça, je crois que c'est extrêmement frappant parce que dans la psychose, est-ce qu'on a affaire à des phénomènes de sang ? Ça, j'en suis pas tout à fait sûr. C'est vraiment non. Il y a une imagination. C'est pas simplement la manipulation comme ça de votre imagination. Ça donne une très très très mauvaise idée de ce que c'est que la folie et l'hallucination visuelle, ce type de choses. Parce que votre imagination n'a pas travaillé. En tout cas, je voudrais vous faire remarquer un truc sur cette très très belle image du fermier assis sur son banc devant la. C'est que on ne peut pas découvrir le propriétaire d'une expérience au sein d'une expérience. Est-ce que vous ne voyez pas en psychanalyse quelque chose qui dément cela constamment ? Il semble que le rêve, tel que Freud le raconte, le rêve, quand je rêve, je sais que je suis tel personnage dans mon rêve. Je sais que, et non seulement je sais que je suis tel personnage dans mon rêve, mais je sais que quand je me vois passer sous les espèces de Carla Bruni au bras de Woody Allen dans mon rêve, c'est moi, Carla Bruni, dans le rêve, qui vois Woody Allen à mon bras. Vous voyez ? C'est-à-dire que le rêve, c'est très exactement ce qui est rendu logiquement impossible par l'argument du fermier assis sur le banc. Dans un rêve, le fermier qui est là, sur le banc, rentre dans la maison, va se servir un coup de cidre, et ensuite va reprendre le frais sur son banc. Vous voyez ? Et je sais, dans le rêve, que je suis le personnage que j'ai objectivé là-dedans. Donc le rêve, ça qui me paraît absolument fascinant, pourquoi peut-il faire cela ? Il peut faire cela parce qu'il est intrinsèquement lié à un récit. Hein, ça m'a beaucoup frappé. Je pense que pourquoi est-ce que le rêve est lié au récit ? C'est parce que je peux raconter ça. Le rêve est un jeu de langage dans lequel, précisément, c'est le seul cas, quand je dis que je rêve, où je peux travailler sur le solipsisme de cette manière-là. C'est-à-dire de la manière qui est interdite dans l'exemple du fermier assis dans l'image, avec l'image de la maison derrière. Le rêve, c'est le jeu de langage qui est le seul cas où nous pouvons parler comme si nous rencontrions nous-mêmes dans notre propre champ perceptif. Rencontrant à l'intérieur de ce champ perceptif, en tant que nous-mêmes, d'autres objets de perception. Un banc, une maison, etc. Vous voyez l'espèce de torsion. Alors ça, je trouve que c'est extrêmement frappant, parce que ça suppose une division très particulière du sujet, et ça suppose un arrimage très particulier du sujet qui est capable de rêver comme ça. De se retrouver dans cet espace-là. Le délire, dans sa connexion avec le rêve, qui est une connexion freudienne, mais qui, vous savez, n'est pas une connexion lacanienne. Le délire n'est pas pensé à partir du rêve chez Lacan. Mais il est pensé chez Freud à partir de ça. Je me demande si, au fond, le délire, c'est pas le moment... pour pousser la logique des choses jusqu'au bout, ça permettrait de comprendre Freud mieux. C'est le moment où, sur le mode de l'hallucination de souhait absolument permanente, finalement, il n'y a plus le rêveur, n'est-ce pas ? Je suis devenu le fermier sur son banc qui rentre dans cette maison. Mais moi... moi, je ne délire pas que... Je peux dire « je rêve que ». Mais on ne peut pas dire je délire que je suis, etc. La position même du je qui peut dire je délire que n'existe pas. Il n'y a pas de jeu de langage du délire. Il y a un jeu de langage du rêve qui est un franchissement, et le deuxième franchissement, c'est le moment où le je qui pourrait dire je délire s'évanouit. Il n'y en a plus. Et c'est ça, me semble-t-il, que ça s'essaie d'attraper à travers son image. C'est-à-dire qu'un délire, c'est le moment où ce qui est interdit par Wittgenstein devient au contraire la totalité de l'expérience. C'est-à-dire que le sujet solipsiste se retrouve à l'intérieur de son champ d'expérience comme un objet. Sauf qu'il se produit alors cet effet terrifiant, beaucoup plus terrifiant qu'avec Nathalie Portman, c'est que le sujet solipsiste se balade dehors, là. Se balade dehors, pour de bon. Et dans le délire, il a rapport aux autres objets qu'il y a tout autour. Alors là, je crois qu'il y a quelque chose, je crois, d'extrêmement subtil et qui mérite quand même qu'on y réfléchisse, parce qu'il y a toutes sortes d'aspects du délire. De la perception des choses, du rapport à autrui, du rapport au monde, du rapport au corps, qui à cet égard me semble être éclairé sous une lumière que vous ne trouvez pas dans la psychanalyse. Il faut dire les choses comme elles sont, vous ne les trouvez pas dans la psychanalyse. Il y a vraiment là une opération de mise en évidence d'une dialectique particulière qui me paraît tout à fait intéressante et profonde. Alors, à Nanterre, une des personnes qui présentait le livre, Michel Adimi, fait quand même une objection. Vous allez voir pourquoi elle se rattache à ce qu'on dit ici, à ça, sans lui dire, mais il y a quand même un problème, c'est que quand on lit les mémoires hein, de Schreber, il y a quand même une chose que vous n'arrivez pas à intégrer, c'est que Schreber est parlé par les voix. Que la langue fondamentale, cette espèce de haut allemand bizarre, plein de mots curieux et de contradictions, parle. Et non seulement elle parle, mais elle devance les pensées de Schreber. Alors, dans la première affiche que l'éditeur a censurée en trouvant que mes plaques de potache, ça suffisait comme ça, j'avais écrit « Zavons déjà 100 ans ». J'étais super fier, parce que ça avait un jeu de mots lacanien des années 70. « Zavons déjà 100 ans ». Bon, ça n'a fait rire personne. Alors donc, on a mis les centenaires Schreber, enfin, je ne sais plus ce qu'on a. Schreber 100 ans, voilà. Bon, vous savez qu'un certain nombre de... Au moment où il pense, il y a la voix dit « Zavons déjà ». « Zavons déjà dit ». C'est-à-dire que c'est une contraction, pour aller plus vite, de « Nous avons déjà dit que ». Au moment où il dit c'est l'heure d'aller se coucher, au moment où il allait le dire, nous avons déjà dit que nous allons nous coucher. Et ça l'anticipe, et il ne reste que ce signal, ce trognon, avons déjà. Il y a un autre système de devancement très important dans les mémoires, sur lequel évidemment tout le monde a tiqué. C'est au moment où il va dire quelque chose, la voix hallucinatoire dit « Pourquoi ne le dites-vous pas ?» Et il faut compléter en disant tout fort. Ça a tellement plu à Jung et à Schreber que chaque fois qu'ils avaient un patient sur le divan, ils lui disaient « Pourquoi ne le dites-vous pas tout fort ?» Ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, c'est qu'ils ont utilisé l'hallucination délirante de Schreber comme une relance psychanalytique pour leurs propres patients. Ah oui, non, c'est vraiment... Pourquoi ne le dites-vous pas? C'est Jung et qui dit... Jung. Oui, et qui? Et Freud. Freud aussi. Freud a utilisé ce truc-là. Pourquoi? Et alors, ils s'écrivent des lettres en riant comme des bossus. Elle est bien bonne, vraiment, Schreber. C'est le professeur de psychanalyse, disent-ils. En tout cas, vous voyez, il y a ce phénomène-là qui indique aussi un peu comment ils ont compris le devancement. Parce que, vous voyez, qu'un psychanalyste utilise la voix hallucinatoire de Schreber, qui a cet effet sur Schreber, pour s'en servir comme une relance dans les associations de son patient, c'est gratiné. Hein ? Il y a quand même la position là de tout à fait humble et castré de l'analyste qui fait ce genre de choses. C'est pourquoi ne le dites-vous pas, ne le dites-vous pas tout fort, quoi. Enfin, c'est une position incroyablement surmoïque, hein, qui est là jusqu'à la folie. Hein. Bon, même si on rigole comme des bossus, bon, et qu'on en. Bon. Enfin voilà. Ce que vous avez remarqué, Michel, c'est que Sas ne rend pas compte de cet effet de devancement. Alors vous savez combien Lacan a énormément insisté là-dessus, puisque justement dans la boucle de rétroaction signifiante, c'est justement le point par lequel le message vient de l'autre sous sa forme directe. Ce qu'il a là, le signe pathognomonique, non pas sous une forme inversée, mais sous une forme directe. Et c'est ça, le fait que vous éprouvez avec n'importe quel grand délirant qui a bouclé un délire. Pourquoi il ne vous explique pas? Parce que vous savez déjà. Il vous regarde, si vous commencez à faire celui qui ne sait pas, ça peut très mal se terminer, parce que vous allez être vécu comme persécuteur, de faire celui qui n'est pas au courant, alors qu'il sait très bien. Vous savez très bien ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas la peine de prendre votre petit air curieux, hein, ou de celui qui veut des explications. Hein. Et, oui, ça se tend très vite, hein, avec un paranoïaque, par exemple, qui a bien bouclé son truc. Et donc, de l'autre, hein, le message vient sous une forme directe, le message persécutant. La réponse de ça, c'était absolument étonnante. Il dit, mais ça, oui, on peut dire les choses comme ça, mais pourquoi ce ne serait pas un effet du rapport panoptique qu'a le schizophrène à ses propres pensées? Ses pensées, il les voit là-bas, à distance, hein, il les surveille. Et en même temps, en les voyant passer à distance, il a un rapport où elles sont déjà ailleurs. Bien sûr que ce sont ses pensées. Mais ses pensées pensent, ses pensées sont des pensées pensantes, là-bas, dehors, ailleurs. Il les a à l'œil, et en ce sens, c'est vraiment ses pensées, mais il les regarde passer, et éventuellement d'ailleurs, comme des pensées pensantes dont il sait qu'elles pensent, mais sans savoir ce qu'elle pense, et qui pense de façon autonome. Ça m'a énormément frappé, parce qu'il ne connaissait pas le texte. Je lui ai montré le texte de Clérambault sur le petit automatisme mental. Que raconte Clérambault? Quand vous allez gratter à le fond du fond, n'est-ce pas, quand vous avez attrapé là une de ces pauvres filles, que vous l'avez enfermée 18 heures d'affilée en tête à tête avec Clérambault, jusqu'à ce qu'elle ait craché le noyau du fin fond de son du phénomène fondamental de son délire, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'au début, ben, mes pensées, c'était des pensées qui étaient juste pensées, là, comme ça, et qui passaient comme des pensées, silencieusement, muette, là comme ça, le passage silencieux d'une pensée qui suit son cours. C'est-à-dire ce que dans le petit automatisme mental, Clérambault isole ce rapport initial, le plus intime, d'un penseur à ses pensées, au sens où ses pensées sont des pensées qui se baladent toutes seules, qui pensent ce qu'elles pensent, mais voyez. Comme si ça les regardait déjà, et comme si elles étaient de l'autre côté, d'une certaine distance, déjà incomblable. Et alors, les voit passer. Ensuite, c'est comme vous savez, le commentaire des actes, le dédoublement, etc. Et c'est très progressivement que ça va se devenir xénopathique, une pensée insultante qui se retourne, etc. Très couramment, hein, dans le processus de l'automatisme mental, on a le dédoublement. Il prend sa montre et il la pose sur le livre. Il continue à parler comme s'il n'était pas en train de délirer. Vous voyez, cette espèce de doublure comme ça. Et ça deviendra un tu fais ceci, tu fais ça à la fin du processus, un tu xénopathique. Mais ce dédoublement qui a le même contenu que les pensées que je pense vraiment, ou les choses, ou les actes que je fais vraiment, le commentaire des actes. Il ne dit pas qu'au moment où je déplace ma montre pour la remettre de ce côté-là, il prend un livre ou il couche avec sa mère. Hein. Non, il dit juste le commentaire des actes, il prend. C'est un duplicata des actes que je suis en train de faire. Qui progressivement, vous voyez, dans notre Clérambault, c'est ah, il prend sa montre et il la met là. Tiens, il remet sa montre et puis il la reprend ici. Vous voyez. Et par cette espèce de commentaire ironique, on ne sait plus du tout si c'est le sujet qui commente ses propres pensées, ou si c'est les pensées qui ironisent sur les actes du sujet. Et par là, le dédoublement s'amplifie, et selon, alors ensuite, la théorie clérambaldienne, enfin, c'est sur les dispositions, hein, ça devient soit un pur automatisme, il y a des gens qui sont que automatiques, hein, qui sont des immenses automatismes et qui ne deviennent jamais paranoïaques, soit il y a une imputation paranoïaque, et par la passion, on suppose que finalement, il y a une voie xénopathique qui devient persécutive, etc. J'ai trouvé ça tout à fait fascinant, parce qu'effectivement, la description de l'automatisme mental, relisez-la en vous disant c'est du Foucault, c'est un rapport panoptique du sujet à ses propres contenus mentaux, à ses actes, etc. Il les a à l'œil, il les surveille, hein, il les laisse penser ce qu'elles veulent, agir ce qu'elles agissent, etc. Mais dans cette espèce de distance, avec une sorte de coup d'œil plus ou moins ironique. Alors, on peut aller plus loin, je crois. On peut aller plus loin. Alors, je signale en passant un poète, il s'appelle Francis Cohen, qui a écrit un livre dont j'ai oublié le titre, mais j'avais fait passer le livre la dernière fois. Francis Cohen a fait tout un truc sur Zavon déjà, chez Schreber, qui était très remarquable, sur le délire de Schreber et sur le problème que c'est de la vérité sur le langage qui est exprimée par ça. C'est qu'il me semble que cette idée de panoptique va un peu plus loin que ce que Lacan même dit. Moi, il y a un point qui m'a toujours embêté, c'est comment est-ce qu'on distingue un énonciateur d'un locuteur. Il y a plein de linguistes qui vous disent qu'il n'y a pas de distinction entre l'énonciateur et le locuteur. C'est-à-dire, comment est-ce que ma voix, par exemple, peut me revenir du dehors ? Je crois que le fait que vous entendiez des voix ne fait pas de vous un psychotique. Il y a des tas de gens qui entendent des voix, c'est pas ça qui fait la psychose. Ce qui est pathognomonique de la psychose, c'est quand la voix a une signification personnelle et qu'elle est péjorative. C'est-à-dire que quelqu'un qui entend des voix n'est pas nécessairement psychotique, mais quelqu'un qui a une pensée qui le vise personnellement péjorative et qui est extérieure à lui, du genre PD, par exemple, il suffit qu'il y ait une petite voix, une hallucination psychique qui dise PD, perçu comme ça, même une fois, vous êtes sûr que c'est une psychose. Ce qui est pathognomonique de la psychose, c'est l'hallucination acoustico-verbale à signification personnelle péjorative. Je dis ça parce que dans la psychiatrie contemporaine, c'est des choses qui sont complètement oubliées. Ça. En particulier, les gens se disent « Ah ouais, mais c'est des troubles du contrôle des muscles de la phonation, etc. » Et donc, il y a des projections à l'extérieur. Mais oui, mais même si vous avez des projections à l'extérieur, c'est pas ça qui fait de vous un psychotique. Je suis pas du tout sûr, par exemple, pour cette raison, Jeanne d'Arc, pour reprendre un vieux débat de Brière de Boismont et l'élu, je suis pas sûr que Jeanne d'Arc soit psychotique. Parce que les voix de Jeanne d'Arc ne sont pas des voix péjoratives. Elles sont à signification personnelle, on peut dire, si, quand même. Mais enfin, elles ne sont pas péjoratives. Hein. C'est quand même assez curieux. Enfin, Jeanne d'Arc n'a jamais dit qu'on la traitait de sorcière ou de je ne sais pas quoi. Alors, voilà où je veux en venir. C'est dommage qu'on n'ait pas une... Mais peut-être que vous pouvez écrire la feuille, parce que c'est un exemple qui m'a... beaucoup, beaucoup frappé, parce que j'en ai vu un commentaire linguistique qui m'a paru éloquent. Prenez la phrase « La justice mexicaine serait vraiment disposée à libérer Françoise Cassez. » Cette phrase me paraît plausible. Hein ?« La justice mexicaine serait vraiment disposée à libérer... » s'appelle Françoise ? Florence. Allez, bon, Cassez. Il y a manifestement un locuteur, il y a un sujet grammatical, hein, la justice mexicaine, il y a un locuteur qui est le journaliste qui dit ça. Est-ce qu'on peut analyser une phrase comme ça, la justice mexicaine serait vraiment disposée à libérer Françoise Cassez en disant, c'est simplement du discours indirect libre. Elle rapporte ce que dit la justice mexicaine. Et que donc vous avez un sujet, un locuteur, avec emboîté un autre locuteur qui est simplement cité et dont on rapporte le propos. Je crois que ce qui fait la vraie distinction linguistique dans une situation de ce genre, c'est la présence de vraiment. Parce que c'est pas la justice mexicaine qui est vraiment disposée à libérer Florence Cassez. C'est l'énonciateur de la phrase qui prend en charge cette phrase en disant que ce que disent les personnes qui sont citées, eh bien, elle pense que c'est vrai. Le journaliste pense que c'est vrai. Et il fait apparaître à l'intérieur de la phrase sa présence de ce qu'on appellerait, c'est comme ça qu'on peut caractériser l'énonciateur, le sujet modal. Sujet modal, parce que c'est celui qui qualifie la forme de vérité, la nature de vérité, le contenu assertif de l'énoncé. Il ne se contente pas simplement de rapporter l'énoncé. Hein, ce n'est pas la justice mexicaine a dit qu'elle serait vraiment disposée à, qu'elle serait disposée à libérer Françoise Cassez. C'est un discours indirect libre, mais au moment où le discours indirect fait apparaître un énonciateur qui est différent du locuteur. Le locuteur, c'est celui qui dit la chose, c'est celui qui dit ce que disent les autres, mais la présence du vraiment vous fait apparaître un sujet modal qui prend en charge et qui fait valoir quelque chose qui n'est pas je, qui n'est pas, etc., qui n'apparaît nulle part, qui fait valoir que cette phrase-là est modalisée d'une certaine manière, elle est l'objet d'un jugement de valeur par celui-là même qui l'a construit. Alors ça, je trouve que cette analyse de l'énonciateur comme sujet modal, qui est trahi par ce qu'on appelle donc le conditionnel épistémique, hein, en linguistique, hein, serait, c'est-à-dire, c'est subordonné au point de vue de l'énonciateur qui dit ce qu'il sait du contenu de l'énoncé. C'est ça, un conditionnel épistémique. Il y a même des langues où c'est manifeste, il y a des désinences, des flexions particulières pour le conditionnel. C'est le cas en japonais, il y a un conditionnel épistémique. C'est pas vraiment conditionnel, mais c'est très marqué. Il y a en fait une préposition qui... Oui, c'est ça. Il y a un endroit particulier qui indique le point... Voilà. Laisse la chose se dire d'elle-même. Voilà. Alors en latin, il y a des usages du subjonctif chez Sénèque en particulier dans la littérature morale. Enfin, le latin est une langue que je connais, qui renvoie à ce type d'usage et qui sont des nuances extraordinairement difficiles à traduire et qui font justement de la langue de Sénèque cette espèce de chatoiement modal. Tout à fait d'une subtilité incroyable qu'on ne peut pas vraiment faire passer en français. On est obligé de gloser pour indiquer au fond quelles sont les différentes positions du sujet moral par rapport aux contenus qui sont assertés. Bon, j'en viens à ceci. Ce qui est fondamental dans l'hallucination acoustico-verbale, ce n'est pas simplement que ce n'a pas pu être symbolisé et qui est fort clos revient dans le réel, ou des formules de ce genre, qui sont des formules dont le mécanisme a quelque chose d'insatisfaisant. C'est que tout d'un coup, le conditionnel épistémique se retrouve être émis par un énonciateur qui est à la place de l'autre. Et c'est ça qui donne sa couleur particulière. C'est pas le fait que c'est une voix hallucinatoire. Ça peut être une voix hallucinatoire. Il peut y avoir un locuteur. Mais ce qui est véritablement hallucinatoire, c'est quand l'énonciateur se trouve dehors. C'est-à-dire quand ce qui est pris en charge, le lieu du véritable point de vue, le point d'où est modalisée la valeur assertive et de vérité de ce qui est dit, est situé hors du sujet et porte sur ce que le sujet dit. Celle-là est une modalité, si vous voulez, de l'hallucination acoustico-verbale. Je crois que, maintenant que je vous l'ai dit, je suis sûr que vous allez l'entendre chez vos patients. C'est-à-dire, vous allez entendre que quand il dit les choses, il dit les choses avec une sorte d'effroi, ou de jubilation, ou d'angoisse, de dire les choses tandis qu'elles sont modalisées et prises en charge par un locuteur, par un énonciateur qui lui est extérieur. Ça, c'est quelque chose de très particulier que l'analyse de Schreber, par ça, se permet de mettre en évidence. Parce que c'est pas tellement dans l'image du panoptique, si vous voulez, c'est pas tellement l'idée que la voix, il l'entend venir du dehors. C'est que ce qu'elle dit, le point de vue qui fait que ça a un sens est un point de vue qui, il a beau parler, le point de vue qui fait que ça a un sens, c'est un point de vue qui est donné par l'autre. Et c'est un point de vue qui ironise sur ce qu'il dit. « Avons déjà dit » ou « Pourquoi ne le dites-vous pas plus fort ?» Haha, etc. Toutes ces espèces, n'est-ce pas, de sarcasme, de qui sont plus que des anticipations ou par un mécanisme purement temporel, n'est-ce pas, il l'entendrait avant de le dire. C'est pas exactement un mécanisme purement temporel. C'est un mécanisme où le point de vue de l'énonciation, la prise en charge, vient de l'autre. Et au sens où on pourrait par exemple imaginer que une hallucination typiquement schreberienne, ce serait de dire quelque chose et que sans même que le mot ou le son soit prononcé, ils sentent qu'un autre dit vraiment, vraiment. Vous voyez ? Et je dirais que c'est même pas un vraiment qui aurait une caractéristique quelque sorte sonore, qui serait sonorisé. Non, ça pourrait être juste le sentiment que voilà, c'est quelque chose de ce type-là qui est dit. Vraiment, le vraiment qui est inclus ici dans la justice mexicaine serait vraiment disposé à libérer Florence Cassez. Il dirait la justice mexicaine serait disposée à libérer Cassez et le vraiment que vous avez là lui viendrait du dehors sur un mode. Il n'aurait même pas besoin d'être voisé. Ça ferait une hallucination. Je crois que les modalités de distinction très très fines que ça s'introduit nous permettent de penser à des choses de ce genre. Et la prochaine fois, donc, je parlerai de la troisième partie, donc du problème de la particularité muette et de la généricité du phénomène élémentaire comme ça se le voit. Est-ce que ça vous éclaire un peu ce que je... sur les usages qu'on peut faire de SAS. Je trouve que c'est vachement bien de voir quelqu'un qui n'est pas du tout psychanalyste dire des choses dans lesquelles, finalement, on s'aperçoit que faire de la psychanalyse, c'est pas n'importe quoi, parce que quelqu'un qui n'en fait pas du tout trouve des trucs qui nous sont... mais que nous voyons très bien. Donc on n'a pas besoin de se revendiquer, de le dire dans le vocabulaire psychanalytique. La chose, elle est là, quoi. Si vous avez de l'imagination conceptuelle, la dialectique du délire va vous mettre sous le nez des trucs qui sont saisissants, qui sont des explications alternatives, je trouve, tout à fait frappantes, et qui sont parlantes, quoi, je veux dire, et qui ont la tenue intellectuelle du fameux texte de Lacan sur ça. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire. On n'est pas tout seul quand on dit ça. C'est ça, vous voyez. C'est pas la psychanalyse contre le reste du monde. Hein, c'est des objets, et alors il faut lire les autres. Ok ? Allez.